Tim Brady, Nels Klein, Anthony Braxton, René Lucier et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages et une exposition d'art visuel. Informez-vous à fimav.qc.ca. Du 18 au 21 mai 2017, venez vivre l'expérience du 33e FIMAV. Où tu vas quand tu dors en marchant? Nouveau spectacle, nouveau lieu. Pour sa 5e mouture, le parcours déambulatoire envahit les espaces méconnus de la colline parlementaire. Toujours gratuit, 21h à 23h, les jeudis, vendredis et samedis, du 25 mai au 10 juin. carrefourtheatre.qc.ca. À l'aérospatiale, un tête-à-tête avec Ludovic Bonnet. Entre-temps, les choses se pensent, l'exposition des finissants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval et Étiolement de Myriam Dion à l'œil de poisson. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Déjà rendu à cette édition du 16 mai, j'en tiens de la France. Oui, c'est l'avant-dernière. Et oui, déjà, ça passe très, très vite. Et ce soir, encore une fois, on poursuit, il faut le dire, nos entretiens, bien sûr, en tête-à-tête. On a déjà Ludovic Bonnet qui est avec nous en studio. Et justement, je poursuis cet entretien. On va découvrir aujourd'hui ce sculpteur bien établi ici à quelques coins de rue de CKRL, dans le bloc 5. Et on va discuter donc de son travail, bien sûr, mais également aussi un peu de création artistique à Québec. Et tout ça, bien sûr, pour vous rappeler que c'est suite à la sélection préliminaire des prix Sobey, l'un des prix les plus importants en art actuel au Canada, donc pour un artiste de moins de 50 ans. Pardon, c'est ça, 40 ans. Donc, c'est parce que je me trompais, parce que la bourse du gagnant, que le gagnant remporte, est de 50 000 $ quand même. Ça donne un bon coup de pouce. Alors, on va passer donc la première demi-heure de l'émission avec Ludovic, justement, ce soir. Et sinon, Jean-Tienne, en deuxième partie, tu as de la visite. Oui, donc on va remplir le studio alors que je vais discuter avec Fanny Ménard, Isabelle Demers, qui sont co-commissaires de l'exposition définissant en art visuel de l'Université Laval. Et se joindront à elle Diego Pena Abrego et Andréane Yevra Perron. Donc, cette exposition, entre-temps, les choses se pensent, qui est en montage actuellement. Oui, c'est ça, là, qui s'ouvre ce jeudi soir. C'est ça, donc ça va débuter cette semaine. Ensuite, il y a Émilie Poraka qui va venir nous parler de l'exposition Étiolement de Myriam Dion qui est actuellement en cours à l'œil de poisson. Mm-hmm. Donc Myriam Dion qu'on a eu l'occasion de voir notamment lors de la foire. C'est la première foire en art actuel. La première foire, oui, c'est ça. Donc une exposition toute en finesse avec du papier journal découpé. On en parle tout à l'heure. Et bien sûr, on n'oublie pas de vous faire part des émissions, des événements, pardon, des expositions à ne pas manquer avec l'agenda de la semaine en fin d'émission. Et j'en profiterai pour vous glisser un petit mot, chers auditeurs. Si vous avez apprécié notre belle saison de l'aérospatiale, on vous invite à voter pour nous au prix du public de CKRL. Oui, parce que le gala de CKRL va avoir lieu le 26 mai prochain et vous avez jusqu'au 19 mai pour voter pour l'émission. Donc, un petit vote prend quoi? À peine une minute et demie, même oui. pas à faire. Et vous pouvez voter une fois par jour. Une fois par jour, c'est important de le dire, oui. Donc, voilà, on travaille très, très fort à chaque semaine pour vous livrer vraiment une émission remplie de contenu et de découvertes aussi, Et d'invités du monde des arts de la ville de Québec. Exactement, oui. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de la sélection audio de Simon Roy, donc cette semaine, qui nous propose un projet italien de musique contemporaine qui s'appelle Thanks, donc qui ça s'écrit T-N-K-S, mais ça se prononce Thanks. Donc, un projet d'influence rock, noise, électro. Les musiciens s'inspirent du climat et du paysage de leur petite ville en haute altitude, donc la ville de Enna en Italie, qui est réputée pour son brouillard d'hiver et l'été, avec des étés qui n'en finissent plus dans des espaces naturels colorés. Donc, on va vous laisser avec un extrait de la pièce Free Trip de l'album Nostalgic Happiness. On débute cette émission en compagnie de Ludovic Bonnet. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir. Alors, voilà, tu es notre troisième à passer ici, invité donc suite au prix Sobé, comme on le disait, les semi-finalistes actuellement. Donc, on voulait justement faire un petit tour parce qu'on connaît ton travail, hein. Faut dire que t'as eu de nombreuses œuvres qui sont disséminées un peu partout au Québec, gagné de nombreux concours aussi dans les dernières années, mais je voulais qu'on fasse un retour un peu sur ton parcours parce que t'as un parcours extrêmement intéressant et je voulais qu'on le partage avec les auditeurs, bien sûr. Et faut dire que l'art est entré très jeune dans ta vie. Oui, pas mal en fait. Oui, et comment ça s'est introduit tout ça? Ben, il y a d'abord ma mère qui aimait bien nous sortir de la maison, donc elle nous apportait toujours au musée. Oui. On faisait des activités la fin de semaine, là, les camps. Genre de camp artistique un peu, là. Ouais. Puis après, vers 13-14 ans, mon père voulait que je m'occupe, puis donc il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai demandé un cours soit d'ordinateur ou de sculpture. Mm-hmm. Puis il a appelé Yvon Noël à... C'était pas la maison des métiers d'art, c'était l'école de sculpture de Québec, je crois, dans le temps. Oui, oui, oui. Puis il donnait des cours du soir, donc il m'a inscrit à un cours. Il dit OK, on va tester. Oui, parce que c'était des cours qui étaient ouverts aux adultes. Exactement, avant tout. Hein? Ouais. C'est ça. Et puis toi, tu débarquais là, tout jeune, adolescent. Et puis tu t'es introduit au travers de ces groupes-là. Puis comment ça s'est passé au juste? Ben, en fait, c'était très, très, très bien. Oui. Puis le monsieur qui donnait les cours s'appelait Claude Tardy. Puis c'est un monsieur de Saint-Jean-Port-Joli, sculpture traditionnelle sur bois. Là, puis c'était des cours à tous les mardis soirs de 7 à 10 heures. Mm-hmm. Puis dans le fond, tu apprenais les bases un peu de la sculpture, principalement de la sculpture sur bois ou exclusivement. Ouais. Exclusivement, OK. C'est intéressant parce que aujourd'hui, tu travailles un peu plus dans le métal, si on peut dire. Ouais. Les œuvres que tu crées sont plus côté métal. Là. Mais ça s'est développé par la suite, j'imagine, tout ça. Tu as fait longtemps ces cours-là, à mon souvenir. Oui, ben jusqu'à mon entrée au cégep, en fait. OK. C'est bon. Puis tu donnais un coup de main, je pense, même à la fin, au professeur. Oui, dans les dernières années, je l'aidais quand il y avait trop d'élèves en difficulté ou autre chose comme ça. OK. Super. Et fait que là, aussi, donc, ces cours-là ont été pas une révélation, mais du moins une confirmation que tu voulais devenir artiste. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans ton travail d'artiste, au juste? J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de choses, mais... Ben, j'ai jamais vraiment eu d'emploi à travailler pour d'autres. Mm-hmm. J'ai fait quelques tests là, de quelques mois, puis après, j'ai été travailleur autonome, vu que j'ai comme toujours apprécié être mon propre patron. Mm-hmm. Puis, en fait, je pense que c'est ce que je préfère. Puis après, faire des choses durables qui sont plutôt... qu'on voit pas souvent, en fait. pourtant, avec les œuvres aussi monumentales que tu fais, on les voit très, très bien, c'est sûr. Mais aussi, je me rappelle t'avoir déjà entendu dire aussi que tu aimais trouver des solutions à des problèmes techniques. Est-ce que tu es un genre, on pourrait-tu dire que tu es un genre d'artiste ingénieur, en quelque sorte, parce que les pièces que tu fais, comme on le disait, sont monumentales, c'est souvent des casse-têtes aussi, puis tu fais beaucoup d'art public, et il y a le côté contrainte aussi avec lequel il faut travailler. J'imagine il doit y avoir un peu un petit côté d'ingénierie dans tout ça. Ben ouais, ça c'est aussi les défis, puis j'essaie toujours de faire quelque chose qui va être plus compliqué à faire pour moi, mais qui va prendre le moins d'étapes à faire possible. Mm-hmm. En fait, j'échoue à peu près à chaque fois, mais mon but, c'est ça. Ah, ben c'est quand même intéressant, oui. Puis, je veux dire, dans le fond, c'est intéressant parce que c'est toujours de vouloir aussi se surpasser à chaque fois. J'imagine, techniquement parlant aussi, c'est intéressant tout ça. Puis, il faut dire, en même temps, t'es passé maître aussi dans l'élaboration de projets d'art public. T'es même devenue une sorte de référence aussi. Les artistes viennent pour te questionner, te consulter par rapport à des projets d'art public, j'imagine. Oui, ben principalement, en fait, j'en fabrique beaucoup pour d'autres personnes aussi, okay. d'autres artistes. Puis, ben, en tout, depuis 2002, ou mettons plus 5, j'ai dû toucher à 150, 160 projets d'art public. Ah ben finalement c'est intéressant parce qu'en plus de ta propre pratique, tu viens vraiment donner un coup de main aux artistes, mais aussi ça c'est hyper enrichissant pour ta propre pratique. Ouais, j'apprends sur eux. Oui, c'est sûr. Puis j'imagine aussi tu dois arriver à leur parfois à leur pas transformer leur projet, mais amener justement des conseils qui vont faciliter la réalisation ou la concrétisation de l'œuvre, j'imagine. Ouais, ben forcément, mais il y en a avec qui je travaille depuis longtemps que on n'a plus vraiment besoin d'élaborer trop, là, puisqu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Oui, ben c'est sûr. Ouais. Et puis, justement, par rapport à ces projets d'art public, on va peut-être en mentionner un que les gens récents, que les gens ont entendu peut-être beaucoup parler, c'est une cosmologie sans genèse qui est présentée dans la cour intérieure du pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Encore là, on est dans un petit espace quand même. On a une grande œuvre aussi qui est là. Je suis curieuse de savoir comment t'abordes les projets d'art public d'habitude? Est-ce que, oui, il y a des contraintes, mais est-ce que tu pars de ça ou c'est vraiment, ce lieu-là t'inspire, c'est le rapport à l'espace, à l'échelle, comment ça fonctionne tout ça? Ben, il y a beaucoup de choses que je crois que c'est de ça que je pars. Puis souvent aussi, après, je me rends compte que je me suis inspiré de beaucoup de choses sans m'en rendre compte qui étaient autour de moi. Mais les contraintes, c'est comme la base là, dans la cour du musée, ils voulaient que la cour elle soit le plus libre possible. Mm-hmm. Puis il fallait quand même faire une œuvre d'envergure. Mm-hmm. Donc c'est là l'idée de la suspension en fait. Puis ben c'est sûr qu'on peut pas s'accrocher après rien d'autre, fait qu'il fallait que je mette des poteaux. Mais par la suite, pendant que je l'installais, j'ai remarqué la il y avait deux petites clôtures le long de l'église Saint-Dominique là, mm-hmm. qui partaient de l'entrée jusqu'au trottoir. Puis c'est toutes des ronds, en fait. À peu près le même setup que mes comptes. Ah, ben c'est intéressant. Des éléments qui sont ajoutés après. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai dû les voir là. Oui. Puis pour ce qui est de l'angle des poteaux, ça, c'est la structure de l'édifice, en fait. C'est la structure de l'édifice, oui. Puis cette œuvre-là est un bel exemple. Oui, on est encore dans l'échelle monumentale. Pourquoi faire des si grosses pièces en tant que telle? Parce que, je veux dire, l'art public, est-ce que c'est parce que c'est de l'art public puis on a l'espace pour le faire? Mais vraiment, c'est ce qui caractérise de nombreux de tes projets. Cette échelle monumentale, est-ce que c'est par rapport au corps du spectateur, par rapport au lieu? Qu'est-ce qui justifie ça un peu? J'aime beaucoup créer un rapport au corps. Quand mm-hmm. tu es en dessous, il se passe des choses physiques. Puis je me dis, s'ils apprécient pas visuellement, ils vont au moins ressentir des choses, peut-être. OK. Puis aussi, j'imagine le fait qu'on est comme obligé aussi de se déplacer autour de cette œuvre-là pour la découvrir sous tous ses aspects, oui? Oui, ben ça, c'est important aussi. Puis il y a aussi, quand tu fais quelque chose à l'extérieur, là, le ciel, il est haut. Hein, mm-hmm. fait qu'il faut quand même doser la dimension. D'accord. Ah, c'est intéressant. Et puis, aussi, oui, il y a cette monumentalité-là des pièces, mais j'ai constaté que plusieurs de tes œuvres aussi, il y a une espèce de semblant de précarité, d'apparence de précarité, parce que ce sont d'immenses structures. Et par exemple, justement, comme celle au musée, c'est une boule qui est suspendue sur trois mâts, mais ces trois mâts, finalement, bon, qui en apparence semblent tenir qu'avec des fils. Et puis, tout ça tient ensemble. Je pense aussi à cette très belle œuvre qui est une de mes préférées dans ton corpus, mais cette œuvre à cette île au centre de détention, qui sont de très gros anneaux de laiton suspendus sur des fils et des mâts, encore une fois, avec des angles. C'est vraiment intéressant, cet aspect de précarité aussi, de structure, comme si, pas ça allait tomber, mais que ça tient qu'à un fil. Ben oui, ça, c'est quelque chose que je recherche assez souvent. Une des pires, c'est celle à Trois-Rivières. Là. Oui, oui, effectivement, c'était dans ma liste aussi. Effectivement, ce sont de grandes cornes, un peu semblables à des cornes d'abondance, là, mais qui s'élèvent. C'est très haut, ça, je pense, une cinquantaine, soixantaine de pieds, c'est 53, ça? 53, ouais. Oui, 53 pieds, hein, quand même. On se demande vraiment sur quoi ça tient. Ben, sur pas grand-chose. Est-ce que, ben, à ce moment-là, est-ce qu'il faut que tu consultes un ingénieur pour aller solutionner des problèmes comme ça, ou c'est le genre de truc qui t'es capable de avec ton expérience puis de pouvoir solutionner par toi-même? C'est combien de haut, ça? 53 pieds. Ouais. 53 pieds, oui. Ouais. Mais je travaille avec un ingénieur, oui, depuis le début. Là, on mm-hmm. travaille toujours ensemble. Mais moi, j'y propose des choses, puis lui, il les valide. C'est rarement lui qui m'impose des choses. OK. super. Fait que finalement, une espèce de une liberté quand même qui t'est donnée. Et les, on parlait de contraintes tout à l'heure, les contraintes techniques. Il y a, oui, une grande complexité aussi dans ton travail, mais je me demandais, est-ce que pour toi, ces contraintes-là, c'est finalement quelque chose que tu joues très aisément avec ou ça peut être un frein parfois à la créativité, à la liberté, si on peut dire, de création? Hein? Non, je crois que c'est important, les contraintes. Puis je considère qu'il y en a autant dans les centres d'artistes ou dans les galeries, puisqu'un centre d'artistes est associé à un type de pratique. Ou... Oui, c'est vrai, spécialisé dans un genre souvent, là, oui, oui. Donc, si je veux aller exposer là, ben, il faut que je me plie un peu à ces choses-là, tant qu'à moi. Fait que c'est la même chose que de répondre à des contraintes pour une œuvre d'art public. Ah, c'est bien. Et aussi, je me rappelle que tu as déjà parlé aussi de l'importance des matériaux pour toi. C'est sûr aussi, quand on est dans l'art public, l'importance des matériaux, de la durabilité, mais il y a plus que ça aussi. T'es pas que spécialisé dans une matière. Tu joues avec de nombreux matériaux aussi dans ton travail. Est-ce que ça aussi, ça fait partie à chaque projet un peu d'un défi à jouer avec ces nouvelles matières? Ouais. Ce que j'essaie de faire plus souvent, c'est de mettre du bois, mais ça fonctionne très rarement. J'en ai mis à quelques occasions. Oui, ben c'est parce que c'est assez inhabituel, puis aussi des questions de durabilité. J'imagine que comme les gens s'arrêtent un peu à ça. Mm-hmm. Oui. Puis sinon, ben j'aime bien les matières pour leur qualité esthétique aussi. J'utilise souvent la fonte d'aluminium, comme la roue de cosmologie, c'est de la fonte. C'est coulé dans le sable, puis qu'il y a on le sait que c'est industriel, c'est pas fini du tout. Ça, j'aime bien jouer avec les contrastes aussi de texture. Oui. Puis une très belle œuvre aussi où justement tu as inséré, tu as pu insérer du bois, puis c'est dans un contexte aussi où on aurait pu croire qu'on aurait totalement refusé, mais c'est cette œuvre où le quai de cette île, qui est selon moi magnifique, debout devant l'océan, une grande structure totémique finalement dans laquelle tu es venu insérer à la fois du granit à la base pour donner du poids à la structure, mais aussi en hauteur, il y a du bois aussi. Comment tu as réussi à vendre ce projet-là à l'époque? Ben, il aurait été malvenu de refuser puisque le quai à côté est en bois. Que... Ah! Ah ben, c'est bon, c'est des bons arguments. Donc, auxquels... il y a un rappel de matière, de texture aussi avec l'environnement. Et puis ce projet-là aussi, je me rappelle que tu avais souligné parce qu'il y a des à l'intérieur de ces éléments de bois, il y a des encore une fois des structures en forme de tube. Je pense que ça rappelle la nature par là-bas de cette île. C'est la densité du territoire, de la nature. Les arbres sont tous à un pied un de l'autre, là. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est intéressant aussi parce que cette œuvre-là, à la fois, on peut le voir sur la terre, mais quand on est sur l'eau aussi, je trouve que c'est une vue magnifique. Il y a quelque chose de très poétique aussi dans ce grand géant qui s'élève tout simplement sur le bord de l'eau comme ça. Vraiment, il y a une très belle poésie qui émane de cette œuvre-là. Et peut-être, justement, tu as évoqué le fait aussi des galeries également que tu t'exposes depuis quelques temps. Tu as eu quelques expositions, dont une actuellement à Oboro, à Montréal. Et je voulais savoir, est-ce que ton approche est la même qu'avec... Tu en as comme un peu abordé, mais est-ce que c'est la même approche qu'avec l'art public ou peut-être qu'il y a une plus grande liberté par rapport à l'œuvre que tu vas produire? C'est sensiblement la même chose, mais je me permets d'utiliser des matériaux qui sont beaucoup moins permanents. Oui. Oui, parce que justement, cette installation à Oboro, justement, utilise à la fois du bois, du métal, parce que ce sont 2000 tiges, je pense, qui sont disposées sur une cinquantaine de planches de bois. Ouais. Il y a des sacs plastiques en haut. Et est-ce que ça bouge, tout ça? Oui, ça bouge, oui. Ouais, hein? Le plancher, il est très mou. Donc, quand on marche dessus, toutes les tiges brassent, comme si tu étais dans un champ de maïs au vent. OK. Et puis, il y a un aspect sonore aussi, oui, par le fait qu'on marche là, les papiers, les sacs plastiques qui s'animent. Mais en même temps, il n'y a pas un élément sonore aussi à cette installation-là? Oui, c'est la première fois que je fais ça. J'ai collaboré avec... je ne sais pas comment le dire, mais j'ai deux collaborateurs. Oui. C'est Yannick Plamondon puis Benoît Fortier, qui sont des compositeurs. Mm-hmm. Plus même dans le classique puis dans le traditionnel. OK. Puis, en fait, on a enregistré une partie de la sculpture dans le conservatoire d'art... Pas d'art dramatique. Conservatoire de musique. Musique. Puis, Benoît, il marchait dessus, il faisait craquer puis bouger, puis on échantillonnait tout le son. Puis après, ils l'ont passé dans un patch qu'ils ont fait en pure data. Mm-hmm. Ils l'appellent le Duc. Puis ça fait plein de choses, en fait, que je ne saurais expliquer. Puis ça vient agrémenter la sculpture. Ben, pas agrémenter, ça participe à l'expérience. Mm-hmm. Il y a une caméra de... mouvement, l'onde qui détecte le mouvement. Ouais, ça détecte aussitôt que tu mets le pied sur le pont. En fait. Ça déclenche trois vagues, en fait. Une qui amplifie un peu les sons de la sculpture. Mm-hmm. Une qui part dans des... qui modifie les sons là, à toutes sortes de fréquences. Mm-hmm. Puis après, c'est le duc qui se lâche tous. Puis ça fait des bip, bip, bip. Ah ouais. Ah ben, c'est intéressant, fait que ça rouvre une nouvelle porte un peu à ton travail que tu n'avais pas encore expérimenté. Ouais. Ouais. Très intéressant. Et là, je vois que le temps file déjà rapidement, mais je voulais te demander, est-ce que tu as une œuvre d'art préférée ou une œuvre d'art marquante pour toi? Si j'en ai déjà parlé, c'est l'espèce de bateau sous-marin à Jean-Pierre Bourgault. Oui. Qui était exposé quand j'étais petit au musée, dans la cour intérieure du musée du pavillon. Oui, c'est le Gérard Morissette. Oui, c'est ça. Ouais. Puis à l'époque, il était tout doré. Puis maintenant, il est sur Champlain. Oui, c'est ça. Une très belle œuvre que j'ai vue justement dernièrement qui est très qui est magnifique, disposée sur des. Avant, je pense que c'était sur bois, mais là, on est rendu plus sur des blocs de granit ou de pierre. Là. OK. Parfait. Puis qu'est-ce qui t'avait marqué dans cette œuvre-là, au juste? Tu vois, maintenant qu'on en parle, depuis. On parle de passer en dessous, autour, puis mm-hmm. d'en faire le tour. Mais en fait, je crois que c'est ça. Parce qu'on peut entrer dans sa sculpture, puis là, simplement la regarder aussi. Ah, intéressant. Et je voulais aussi te laisser un petit moment aussi pour que tu nous parles. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais envie de nous parler, un artiste, ou enfin, je te laisse comme un petit micro ouvert pour terminer notre entrevue ici. Quelque chose par rapport au milieu artistique de Québec, ou peu importe ce que tu aurais envie de nous parler, au juste. J'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Ben, c'est bien correct, mais sinon, je vais y aller d'une autre question. Hein. Le milieu artistique à Québec, là, tu me dis que tu as maintenant un atelier à Saint-Romuald. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au milieu artistique à Québec, selon toi? Est-ce que y a quelque chose de... Oui, c'est bien. On se connaît à peu près tous. Il y a des belles salles d'expo, il y a une belle effervescence. Mm-hmm. Je crois qu'on n'a rien envié à plusieurs autres milieux. Oui. Puis, c'est ça. c'est correct. Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que tu trouves que l'école de sculpture, là où tu travailles, ça donne une couleur aussi au milieu artistique de Québec? Parce qu'il y a quand même beaucoup de finisseurs qui sont très actifs dans le milieu. Oui, ça, c'est vrai, c'est... L'école de sculpture a réussi à faire sortir beaucoup de gens qui sont encore là-dedans. Je pense à Sarah, Nicolas, Annie, Julien, il y en a vraiment Il y a vraiment beaucoup de talents qui ont émergé dans les dernières années, effectivement. Des gens qu'on a rencontrés ici à l'émission, d'ailleurs. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est à cause du corps professoral? Ou c'est juste les étudiants qui ont un... vraiment des pratiques Je crois que c'est peut-être la taille de l'école. Mm-hmm. Le fait que c'est comme un milieu de vie où ce que les gens, généralement, ça forme des groupes puis ils se suivent pendant les 3 ans. Puis habituellement, ça continue après. Ouais. Et puis, ben, peut-être on pourrait terminer. Je vois une de mes questions apparaître ici, mais comme enseignant, qu'est-ce que tu aimerais transmettre ou qu'on garde de ton enseignement? J'enseigne des choses techniques. Hein, fait que oui. J'aimerais bien qu'ils les mettent en pratique. Ben, c'est bon parce qu'effectivement, quand on fait de la sculpture, il faut avoir quand même une très bonne technique pour parvenir à réaliser justement de magnifiques projets comme les tiens. D'ailleurs, qu'on va rappeler qu'il y a une œuvre qui va s'installer très rapidement, au cours de l'année, je veux dire, devant l'Hôtel de Ville. Non, très rapidement, tu as raison. Très rapidement, ben c'est bon, devant l'Hôtel de Ville. Et puis sinon, pour ceux qui passeront par la Gaspésie aussi, à Percé, au Géoparc de Percé, une nouvelle de tes créations qui va être installée à la fin du mois là aussi. Donc, ça vaut la peine de découvrir bien. Devic, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et puis, bonne chance pour le prix Sobé, bien sûr. Alors, nous, on s'en va faire une pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié d'émission. C'est KRL 89.1. Et c'est alors que le miracle va se produire, lorsqu'à 50 km de là, dans la salle des Empis de Sainte-Assise, la célèbre chanteuse Yvonne Brottier, tremblante d'émotion, attend le signal tendu tout entière vers le micro. La saison automne-hiver tire à sa fin et c'est le temps de voter pour le gala de CKRL 2017. Du 13 au 19 mai, rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca et votez pour votre émission favorite dans la catégorie Choix des auditeurs. En participant, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau chez Poil et Plumes. Les lauréats seront connus le 26 mai prochain. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est à votre tour de vous faire entendre. De retour pour cette deuxième moitié d'émission de l'aérospatiale. J'en tiens avec vous au micro. Je suis accompagnée de Fanny Ménard et Isabelle Demers. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Fanny, Isabelle, vous êtes co-commissaire de l'exposition Définissant en art visuel qui va ouvrir le jeudi cette semaine. Comment ça va? Est-ce que vous dormez? Oui, ça se passe bien. Malheureusement, je dors pas très bien, mais je peux pas dire que c'est un ensemble de facteurs, on va dire. Excusez pour la question un peu trop intime. Donc, vous en êtes pas votre premier commissariat. On vous a choisi, comme les étudiants vous ont choisi, parce que vous avez de l'expérience d'organisation d'exposition, de commissariat aussi à divers moments. Là, pouvez-vous nous parler un peu de ces différentes expériences-là? Ben, je sais que, bon, d'abord, je vous ai passé en entrevue la dernière fois à l'émission pour à votre collectif. Donc, c'est un peu aussi un commissariat de travailler en collectif comme ça. Ben oui, en effet. Donc, on sait très bien à l'avance qu'on travaille bien ensemble, Fanny et moi. Mm-hmm. Donc, c'était pas du tout un risque, je dirais, de travailler ensemble pour le commissariat des finissants. Mais les autres projets qu'on a sur lequel on a travaillé, c'est vraiment nos projets à nous qu'on a mis ensemble, qu'on a réunis sous une thématique ou sous une exposition ou sous un prétexte, si on veut, d'exposition. Donc, c'est peut-être pas dans la même catégorie de défis. Bien qu'en même temps, le défi ici, il est aussi différent d'un commissariat classique. Bon, en même temps, on peut parler de mentorat aussi, oui, c'est ça, quelque part. On peut vraiment parler de commissariat de plein de façons différentes. Puis là, c'est quand même, on nous a mis une vingtaine d'artistes sous la main, et puis on a dit, vous êtes commissaire. Fait que, tu sais, on parle plus de coordination. D'ailleurs, on s'est autoproclamé chamane consultante pour les on est co-chamane, en fait. Co-chamane. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mais c'est quoi le travail de chamane en art visuel, les filles? Mais on avait mis le titre de consultante un peu comme quasiment un conseiller pédagogique, oui. ou conseiller financier. Donc, vraiment l'idée de conseiller les étudiants dans leur fin de parcours et dans leur début de parcours professionnel. Oui. Donc, mais il faut savoir que c'est ça. En fait, les finissants ont fait passer des entrevues à plusieurs personnes, et on avait remarqué dès l'entrevue que eux-mêmes, dans ce processus-là, c'est le processus où vraiment ils sortent du contexte de l'université, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils savent pas vraiment ce qu'ils attendent de commissaire, entre guillemets. On a parlé de communication, on a parlé d'un soutien pour le montage d'expos, de conseils. Tu sais, on parlait d'une palette de choses, en fait, qui faisait que c'était plus... Ça s'approchait plus de la coordination, finalement, puis oui. Du coup, ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà fait ensemble, de faire tenir des choses ensemble qui sont peut-être différentes, des êtres aussi qui sont différents. Oui. C'est dans ce sens-là, c'est un peu chamanique. Là, il faut vraiment qu'on fasse appel aux éléments, puis qu'on consulte. Au surnaturel. Exactement, pour que tout ça fonctionne. Très intéressant, cette découverte du métier de chaman. Mais il y avait quand même le volet sélection des œuvres qui a été fait avant... Avant et pendant le montage d'exposition, on peut dire encore présentement, si on veut, des éléments qu'on pensait qui étaient vraiment, qu'on a cru qui étaient bons, puis en voyant sur place, qui sont pas nécessaires. Donc, il y a eu quand même une sélection qui se fait encore présent. Ben là, plus maintenant, on pense que c'est cet été, mais on risque d'avoir encore des surprises vu que c'est des étudiants sont très créatifs. Oui, ben oui. Donc, ça bouge à tous les jours. À toutes les fois qu'on va au local, il y a des choses différentes qui se passent, qu'on n'avait peut-être pas vu venir ou qui se développent pas comme on pensait, qui sont de très belles surprises généralement, dont on est très contentes, là. Puis, mais j'aurais le goût de vous demander, le titre, il vient d'où? Il est quand même assez intriguant. Est-ce que c'est un choix de la part des étudiants en collectif qui s'est fait? Est-ce que vous avez été consulté là-dedans? Ou... Oui, alors en fait, l'idée, je pense, du titre, c'est vraiment la leur. Ce qui est peut-être intéressant à préciser, c'est que les étudiants, cette année, ont décidé de faire leur exposition à l'extérieur de l'école. Donc, ça vient encore ajouter à leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de sortir de l'école et du coup, de contextualiser leur action à l'extérieur. Puis, nous, quand on les a rencontrés, il y avait comme un côté où ils commençaient à faire émerger cette idée-là. Puis, il y avait... un peu la cohorte avait de la misère à se centrer en une équipe. Fait qu'on leur a dit, vous prenez une soirée, vous choisissez votre titre d'exposition, vous partez pas, il y a personne qui sort de la salle tant que le titre est pas choisi. Et puis c'est ça, le lendemain le titre était né. Donc nos étudiants viennent juste d'arriver, puisqu'ils étaient pris dans le stationnement. Peut-être qu'ils pourraient nous en parler on a un nouvel arrivage d'invités en studio. Donc Diego Pena Abrego et Andréane Yevra Perron. Donc, vous pouvez vous approcher des micros. Là, excusez, on est un peu à court de micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, malgré les imprévus? Oui. Ça fait quoi, un mois et demi d'imprévus? Donc, les aléas de la vie d'artiste, de la vie d'étudiant en art visuel nous font des surprises tous les jours. Vous faites partie de la cohorte de finissants. Vous êtes combien de finissants à peu près en tout? Moi, une vingtaine. Finissants? Donc on parlait, oui, donc c'est le bruit des micros qui change de place. Comment c'est de travailler avec des commissaires par rapport au travail que vous avez l'habitude de faire lors de votre formation ou lors d'expositions que vous avez fait durant votre formation? Je peux me permettre de parler en premier, oui, mais oui. Moi, je le vois un peu comme un premier pas vers, vers une professionnalisation de notre métier. Oui. À commencer que, veux pas dans les études, on a une tendance à travailler beaucoup plus chacun pour soi, c'est sur nos projets, un peu le rythme d'être d'école. Mais de travailler là en équipe, puis surtout travailler avec des gens qui ont un regard plus extérieur à l'exposition, étant donné que c'est pas leur exposition d'une certaine manière, ça permet de comprendre comment ça fonctionne, les rouages. Ouais. Et Andréane, aurais-tu quelque chose à rajouter? Ben, peut-être juste le fait que, qu'est-ce qui est particulier dans notre exposition, c'est que c'est notre groupe qui a choisi les commissaires et non le contraire. Alors, je pense que ça fait vraiment un grand pas dans la direction justement de la professionnalisation. puisque ça devient un peu démystifier la profession commissaire, puis c'est plus du tout gênant ou de... C'est vraiment, vraiment agréable de travailler avec ces deux filles-là, en plus. Oui, donc Fanny Ménard avait commencé à nous parler un peu de ce lieu d'exposition-là que vous avez déniché, un lieu d'expo qui est très près de l'école. Ça doit être quand même assez pratique, mais c'est un lieu qui, me semble-t-il, est assez grand pour un nombre d'étudiants. Oui. Moi, il y a une vingtaine d'étudiants, mais ça, c'est sur plusieurs étages, des lieux qui sont très vastes. Quel défi ça vous a donné, ça? Et puis, est-ce qu'il y a eu des avantages aussi d'avoir des... Parce que là, il faut construire des cimaises, j'imagine. Donc, vous, personnellement, quel défi ça vous a apporté, Andréane, par exemple? Oui. Bien, l'avantage, en fait, d'avoir un grand lieu comme ça, c'est que les œuvres y respirent, ou ça permet vraiment de faire... vraiment une extrême mise en valeur, on va dire, de nos projets ou de chacun des œuvres, là, qu'on n'est pas vraiment habitué de pouvoir expérimenter. Alors, je pense que ça pose des défis quand même de taille pour certains, mais c'est vraiment une expérience qui vaut la peine, parce que c'est certainement pas la dernière fois qu'on va pouvoir expérimenter ça, là. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous. Pour ma part, moi, je trouve que c'est un défi qui nous lance, je crois, dans des directions qui vont être plus enrichissantes, parce que ça nous oblige à voir plus grand, à être obligé d'occuper l'espace et pas de se baser seulement sur l'espace, parce que l'espace, c'est, quand on est arrivé, il est ruiné, tu sais, il fallait faire du travail pour que ça ait de la valeur, tu sais, en tant que salle d'exposition. Donc, je pense que le résultat final va donner une cohésion à notre travail puis le lieu. Alors qu'un lieu déjà prédéterminé, un cube blanc, c'est déjà préparé pour nos œuvres, le problème, ben, c'est que nous, on est déterminés par l'espace, c'est pas le contraire. Donc, je pense que c'est bien ça. C'est peut-être même une des dernières libertés qu'on va avoir, c'est peut-être longtemps, on sait pas. Oui, parce qu'on parlait de contraintes de lieux tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très important dans le travail des artistes, tout le temps à réfléchir les lieux d'exposition, puis c'est toujours des contraintes, alors que là, en ayant beaucoup d'espace, j'ai l'impression que ça vous en enlève un peu, ça vous donne plus de liberté. Oui, définitivement. Et puis, c'est une session qui est quand même toute particulière, cette session-ci, il y a eu une grève des employés de soutien. Ouais. Est-ce que ça a affecté le cours de la session, l'avancée des travaux? Comment vous avez réussi à sortir la tête de l'eau au travers de tout ça? Je sais pas, moi je dirais on a appris à nager. Oui, exactement. Ouais. Je pense que c'est vraiment le cas de le dire, sortir la tête de l'eau. On a vraiment fait ça dans un temps record, puis ça l'a vraiment pressé les choses, mais ça donne une essence qui est tellement, tellement concentrée, j'ai l'impression, parce que j'ai vraiment l'impression que notre cohorte, la QV de cette année, elle est vraiment issue de ça, cette concentration-là, le focus sur le travail dans un court, très, très, très court laps de temps. Puis l'exposition, je pense que elle est vraiment, vraiment forte, là. On a vraiment une belle exposition. Il y en a bien hâte de voir ça. Je suis vraiment pas gênée de le dire, ouais. Un petit mot pour revenir, mettons, sur le titre. Donc, le choix de ce titre-là, ce fameux focus group, si je peux dire, qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Entre-temps, les choses se pensent. Donc, où est-ce qu'on voulait aller avec tout ça? Qu'est-ce qu'on voulait évoquer? Quelles sont les idées qui sont venues aussi? Oui, Diego? En fait... C'était une très longue discussion, d'ailleurs, pour arriver à ce titre-là. Sur deux temps, en plus, là, ça nous a pris deux soirées. C'est un titre qui est quand même en deux temps. C'est entre-temps, les choses se passent. Je crois, entre-temps, tu sais, c'est quand même ça réfère à un moment, tu sais, comme en musique ou, par exemple, entre un plan, par exemple, je pense à la bande dessinée, tu sais, t'as une case, une autre case. Donc, un entre-temps, c'est vraiment une transition. Donc, pour nous, c'était de entre-temps, c'est symbolisé cette transition-là, mm-hmm. que l'exposition nous sert de, justement, nos études universitaires au milieu professionnel. Oui. C'est aussi, dans un entre-temps, un moment, justement, où il y a des, par transition, des réflexions. Et c'est là qu'on parlait des, les choses se pensent, parce que, je veux pas, même si on commence à cerner c'est quoi nos pratiques, on est quand même dans une réflexion et une, on essaie de donner forme à quelque chose qui va peut-être résulter à une pratique, peut-être pas du tout. Donc cette idée-là de penser, rendre compte de nos pensées, c'est ce que le titre voulait représenter. Ben merci Diego Pena Abrego. Donc on a une bonne idée un peu de l'esprit aussi de l'exposition avec avec cette réflexion-là. Merci Fanny Ménard, merci Isabelle Demers, merci Andriane Yévra Perron. Donc l'exposition Entre-temps, les choses se pensent. Donc des finissants finissantes du bac en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Le vernissage va avoir lieu ce jeudi 18 mai à 17h. L'exposition va avoir cours jusqu'au 28 mai, donc c'est au 281 Saint-Vallier-Est à Québec. On va partir pour une courte pause audio et on revient avec Émilie Porakian. Alors, on est de retour. La demoiselle que vous venez d'entendre, c'est Émilie Porakian. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Alors, tu es allée voir cette exposition de Myriam Dion dans la Grande Galerie de l'œil de poisson, une exposition qui s'appelle Étiolement. Oui. Et ben voilà, parle-nous-en. Est-ce que ça t'a accroché? Qu'est-ce qui se passe? Accroché, c'est peu dire. Je pourrais même dire d'ores et déjà que c'est un de mes coups de cœur de l'année. Oh! Mais vraiment, c'est vrai, hein? Oui, c'est une très belle expo. C'est... Ah, c'est vraiment, là, c'était... Moi, chaque fois que je rentre dans l'œil, je sais jamais ce qui m'attend. Hein. Donc, c'est toujours une surprise. Donc, mais là, ça a été une très agréable surprise. Visiter une expo pareille, en plus, il faisait beau. C'est le vendredi, c'était le fun. En tout cas, c'était... j'ai vraiment trippé. Étiolement, c'est... C'est la première exposition individuelle de Myriam Dion à Québec, mm-hmm. Qui est une jeune artiste qui a vraiment un début de carrière très prometteur. Elle est vraiment un peu partout, en Alberta, partout à Montréal. Ben, comme Jean-Tienne le soulignait en début d'émission, on l'avait vu rapidement à la Foire en Art actuel et ça avait été un succès. Les œuvres, ses œuvres s'étaient vendues dans les premières minutes là, de l'exposition. Là. Exactement. D'ailleurs, les œuvres qui sont exposées à l'œil de poisson, c'est des œuvres qui sont déjà vendues. Donc, vous avez juste le droit de les admirer. Vous ne pouvez pas les acheter. C'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir les admirer chez lui. Mais donc cette exposition, c'est une exposition que moi je dis un peu en deux temps. Il y a une installation d'un côté, puis il y a une série d'œuvres en papier ajouré qui est exposée sur deux murs. C'est vraiment un travail très minutieux, très précis. D'une grande finesse. Exactement. Oui, on sent l'investissement de temps et d'attention qui est dans son travail. Mm-hmm. Exactement. Puis, il faut savoir que c'est du papier journal qui a été collé par-dessus du papier... coloré, j'aurais chinois, il me semble, qu'on m'a dit à l'œil. Et ça a été découpé au couteau à la main, vraiment. Puis, faut le voir, parce qu'on a beau l'expliquer, c'est difficile à se rendre compte. Là, c'est vraiment des tout petits bouts de papier qui ont été enlevés un à un pour faire C'est comme une dentelle. Exactement, c'est ça, ouais. Je cherchais le mot. C'est vraiment comme une dentelle. Et il y a donc y a trois œuvres qui sont exposées comme ça, qui sont très intéressantes. Et il y a comme deux tapisseries, qu'on pourrait dire, qui sont un petit peu plus... qui sont sur le mur quand on arrive. Et c'est plus grand. Donc, c'est vrai qu'on voit vraiment toute la précision qu'il y a à avoir. Mais mon grand coup de cœur, je dois dire, c'est ce qui se passe, l'installation. Mmh. Effectivement, c'est de grande envergure, là, tout à fait. Vu le médium. Tout à fait, tout à fait. Faut savoir, c'est des pochoirs qui ont été apposés sur le mur du fond. Elle a passé, donc, avec du crayon de plomb, si mes souvenirs sont bons, un à un. Donc, encore une fois, un travail fait en lenteur. C'est vraiment sa posture artistique, hein, oui, d'opposer oui. Le système de vitesse actuelle du mm-hmm. monde qui court tout le temps. Elle veut vraiment prendre son temps, puis vraiment poser. Et ces pochoirs ont été, donc, décollés du mur par la suite et suspendu à quelques mètres du mur. Et quand on rentre, parce qu'on peut vraiment rentrer mm-hmm. par une porte, on sent vraiment tout ce... On a envie de chuchoter, on a envie de se recueillir. Il faut savoir que les pochoirs ont été pris d'après des dessins de la mosquée d'Alep qui a été mm-hmm. Détruite en Syrie. Et en fait, j'en viens que les papiers... je dis que c'était juste des papiers journaux qui ont été pris, des articles de journaux. Ça a été fait pour, pas pour, mais c'est pour dénoncer les conflits en Syrie puis les grands flots de migration que mm-hmm, connaît mm-hmm. L'Europe actuellement. Donc, c'est vrai que c'est pas pour rien qu'elle a choisi la mosquée d'Alep. Oui. C'est toujours en lien avec, avec ce choix-là d'articles de journaux. Et puis, moi, je trouvais aussi que le rapport, oui, il y a le pochoir au fond, faut quand même se rendre parce oui. que moi, il y a quelqu'un sur place qui avait dit « Ah, mais... » quand j'ai visité, qui a dit « Ah, mais je pensais que c'était juste le jeu d'ombre. Mm-hmm. » Et il faut vraiment entrer oui. parce que au fond, oui, il y a le pochoir, il y a devant le papier qui est suspendu tout dans les fait. Airs, mais aussi sur les côtés, c'est les jeux d'ombre et de lumière. Tout à fait. Donc, quand tu disais on a le goût de chuchoter, finalement c'est très architectural, c'est oui. un lieu, ça nous fait penser à des architectures moyen-orientales, ouais, quelque chose de moresque là. Oui, exactement. Tout à fait. Oui, puis c'est ça, je me suis dit à la fois ça peut intéresser les gens dans le musée, mais aussi les architectes qui tout à fait. Vont être fascinés par ce lieu que vient créer finalement de simples bandes de papier. Exactement. Puis moi, j'ai vraiment eu l'impression de faire un bond un petit peu, pas dans le temps, mais voyager. Dans l'espace. Exactement, dans oui. l'espace et de me retrouver ailleurs. Une immersion aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, je trouve ça toujours intéressant quand des artistes présentent des œuvres un peu immersives comme ça. Ça nous permet de découvrir l'œuvre d'un autre œil, puis de l'apprécier vraiment. C'est quelque chose de vraiment... Excusez-moi, c'est vraiment, en tout cas, c'est une très belle découverte. Ça va aller jusqu'au 4 juin, donc ça va vite. Hein. Moi, je conseille vraiment à toutes les personnes d'aller à l'œil de poisson pour aller oui. voir cette exposition-là, de découvrir Myriam Dion. Moi, c'est vraiment une découverte. Mm-hmm. J'en avais un petit peu entendu parler, mais j'avais jamais vu ses œuvres. Et par la suite, je suis allée sur Internet un petit peu regarder mm-hmm. Son travail. Puis j'ai la chance de travailler à côté, donc moi, je vais retourner faire un petit tour avant la fin. Mais ça se déguste vraiment. Oui, là, il y a comme quelque vraiment. Chose de ressourçant, justement. Oui. On se sent coupé un peu du reste du monde. On se sent, oui, comme dans une bulle. Tout à fait. Il y a quelque chose de très méditatif, tranquille aussi. Mais oui, puis on regarde. En tout cas, moi, c'est rare que je le fasse, mais j'ai vraiment pris le temps de vraiment regarder chaque tableau. Puis j'ai pas tout vu, c'est pour ça que je vais y retourner. Mm-hmm. Mais on a presque envie de toucher, voir comment c'est fait, s'il y a du relief ou mm-hmm. on touche pas, bien entendu, mais c'est très faudrait y aller plusieurs fois, je pense, puis à chaque fois qu'on irait, on découvrirait un détail différent, il y aurait quelque chose qui nous reviendrait de manière différente. En tout cas, c'est vraiment une œuvre que je conseille d'y aller une couple de fois. Oui, parce qu'il y a un jeu de brouillage visuel aussi, de ces morceaux qu'elle enlève. Elle nous empêche de voir l'image ou le texte mm-hmm. en entier. Exactement. On le devine. Ça. Il y a des éléments qu'elle nous laisse deviner plus facilement. Donc, il y a vraiment le... Ben moi, c'est le rapport au texte aussi oui. qui est porté attention. Parce qu'à la fois, tu sais, on est avec un médium, je peux dire, de l'écrit. Hein, alors que là, on rend l'écrit visuel, il y a des éléments de texte qui restent. T'sais, il y a ça aussi, j'aurais été curieuse de la questionner aussi par rapport à ça, parce que certains mots sont laissés. Par exemple, il y en a une, c'est écrit « Strangled by war ». Puis, on a l'image d'une jeune fille aussi. Je serais curieuse de savoir aussi son opinion par rapport... il y a un petit côté, je pense... politique quand même, ou du moins il y a un choix qui est fait dans les mots qui sont laissés versus les images qui sont là, à la fois trafiquées, d'autres laissées exactes, intactes. Enfin, il y a ça aussi, ce rapport à l'écrit dans les œuvres qui est très pertinent puis qui pose la réflexion également aussi. Pourtant, elle ne veut pas se positionner de manière politique. Moi, j'ai un petit peu questionné Anne-Sophie Homère, qui est à l'œil de poisson, un petit peu pour savoir est-ce qu'on peut penser qu'elle revendique quelque chose, qu'elle veut dénoncer quelque chose. Et elle n'a pas été catégorique là-dessus. Elle semblait dire que c'est sûr qu'il doit avoir quelque chose qui l'interpelle, qu'elle veut nous faire passer un message, mais il n'y a pas vraiment de revendication politique là-dedans, mais on peut se poser la question, le choix. Elle aurait pu ne pas choisir les articles sur la série. Tout à fait, tout à fait. Donc, il est certain qu'il y a quelque chose là-dedans, mais ce n'est pas une revendication en tant que telle. Oui, de base, effectivement. Mais quand même, ça transparaît au travers de tout ça. Oui, tout à fait. Eh bien, Émilie, merci beaucoup. Hein, ça nous donne vraiment le goût. Nous autres, on l'a toutes vu, mais vraiment... On a le goût de retourner la voir. Oui, c'est ça. Donc, tu le rappelles, c'était jusqu'au... Oui, c'est jusqu'au 4 juin. 4 juin. Parfait. Excellent. Donc, à l'œil de poisson, dans la grande galerie. Merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. Merci. Alors, Jean-Thierre, on va sauter tout de suite à l'agenda de la semaine. Oui. Bien sûr. Donc, quelques événements à mentionner, je pense. Oui, bien, en ce moment même, en fait, il y a un vernissage qui débute au Musée de la Civilisation. Le vernissage de Cerveau à la folie. Pourquoi j'en parle, c'est parce que il y a le projet Rêve diurne qui est présenté actuellement, donc un projet d'atelier de médiation culturelle avec Fanny Hénon-Lévy et Alexandre Berthier. Donc la partie d'Alexandre Berthier, artiste en art audio, est présentée au Musée de la Civilisation. J'ai aussi entendu dire qu'il allait y avoir un cerveau tricoté par le collectif Colifichet dans l'exposition. Pour ce qui est de la partie qui est plus de l'œuvre de la médiation faite par Fanny Hénon-Lévy, ça va être à l'espace Sherpa demain, jeudi le 18 mai, à partir de 17h. C'est jeudi également qu'il va y avoir le vernissage de l'exposition « Entre-temps, les choses se pensent » dont on a parlé tout à l'heure avec les étudiants de l'Université Laval, donc au 281 rue Saint-Vallier-Est, dès 17h également. Et ce sera l'occasion de faire le lancement du catalogue Première Aviation, art visuel, art médiatique et métier d'art, durant le vernissage des finissants. Et c'est la dernière semaine pour voir, donc on a jusqu'à vendredi pour aller visiter site numéro 9 au Vive de Christian-Raphaël Gilbert à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval et jusqu'à dimanche pour aller voir l'exposition Things in Space de David Naylor que tu as reçu, Audrey, à l'émission, donc à la Galerie des Arts Visuels. C'est ainsi que s'achève cette avant-dernière édition de la saison de l'aérospatiale. Donc, comme à chaque semaine, vous pouvez aller rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatiale ckrl.wordpress.com et vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Un grand, grand merci à nos invités, Ludovic Bonnet, Isabelle Demers, Fanny Ménard, et Diego Pena Abrego et Andréane Yévra Perron. Merci à notre chroniqueuse Émilie Porakia. Merci à Jacques Gignac, notre Marc Chagall de la mise en onde, grâce à qui cette émission se rend jusqu'à vos oreilles, chers auditeurs, à chaque semaine. Merci Audrey. Merci Jean-Thiane. Donc, la semaine prochaine, on va terminer nos entretiens tête à tête avec Jacinthe Carrier qui vient nous rejoindre dans le studio. Et ne manquez pas l'accroche-oreille, une émission d'art audio le dimanche à 19h sur les ondes de CKRL. À 21h. Et restez à l'écoute. De l'autre côté de la pause, Pierre Blais et son équipe vont discuter cinéma à l'émission Situation critique. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL. Québec. On a le pouvoir de s'aimer. Le temps peut être mâché.